place with the rhythm, with just a cappella. Shout to the world, you know this for everyone. J'espère que toi bien sur Énergie, c'est Cédric. Bon réveil, un petit peu plus de 4 heures, on est vendredi aujourd'hui, ouais, encore une journée de taf ou de cours et ce sera bon, ce sera le week-end. La Brancia Diplo, c'est la suite dans le pays d'Énergie, on écoutera aussi pour vous Kaigo, Imagine Dragon, sur Sean Mendes, David Guetta. Bref, on se fait plaisir là tous les matins, dès le réveil sur Énergie, puis on se fait aussi le meilleur de Mickaël. 23h jusqu'à 3h chaque nuit sur Énergie, et écoutez ce qui se passe dans l'émission. Bon, nous allons faire les appels bienveillants. Amina ? Oui ? T'as joui ? Pardon ? Non, c'est... je te demandais ça parce que c'est le nouveau compte Instagram qui cartonne en ce moment. Super. Voilà, et il reprend des posts de femmes qui essayent de faire comprendre aux hommes que l'orgasme n'est pas qu'une question cérébrale, mais bien mécanique. Et que si elles ne jouissent pas, bah, c'est parce qu'ils sont pas bons. T'es déjà tombé sur des mecs qui te faisaient pas jouir ? Oh là là là là là. Bah quoi, qu'ici, la question est quand même claire. Me fatiguer, Amina, elle ne fait pas ce genre de truc, tu comprends pas, toi. T'as pas compris. Quoi, tu jouis pas ? Amina, elle est dans le. Non, elle fait du tantra, Amina. Chacun à un bout de la pièce. C'est vachement bien, ça, ceci dit. Hein. Oh, mais quelle menteuse. Non, mais tu rigoles, mais c'est vachement bien. Mais quelle menteuse. Pardon, quelqu'un de cérébral, pardon d'aimer les gens un peu plus élevés, tu vois, psychologiquement, des gens qui t'élèvent vers le haut. Plutôt qu'être là, t'as combien de poils pubiens ? C'est génial. C'est pas la question, c'est pas la question. N'importe quoi, là, je te jure. Tof, tu vas prévenir tes amis ? Bah évidemment. Comme d'habitude, grâce au numéro que vous envoyez chaque soir, toph@energie.com, c'est parti. C'est anonyme, hein. Vous pouvez balancer même le numéro de la personne, de votre pire ennemi, on ne dira pas qui est donné le numéro. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle, je voulais savoir, est-ce que votre femme, elle a joué la dernière fois que vous avez fait l'amour ? Nique ta grand-mère, c'est bon. C'est quoi le rapport avec ma grand-mère, monsieur ? Nique ta grand-mère, c'est bon, c'est mieux ? Bah non, monsieur, parce que je vois pas du tout le rapport avec la question. Bah nique ta grand-mère. Bah oui, mais ça correspond à rien, monsieur, votre réponse. Ouais, bah tu verras si ta grand-mère elle joue aussi, si t'as pute, c'est bon ? Pose des questions comme ça, nique ta mère. Bah oui, d'accord, monsieur, mais ça c'est pas la question que je vous pose. Ouais, bah il va vous raccrocher, donc il veut niquer ta mère, hein, ce qui n'est pas très sympathique de sa part. On rappelle. Oh, tu veux quoi ? Bah, savoir si votre femme, elle a joué la dernière fois que vous avez fait l'amour, monsieur. Bah, déclare ton identité. Tof. Je vais te faire jouer ta mère la pute à toi. Tof, monsieur, moi je m'appelle Tof. Tof, ouais, Tof. Bah, Tof bien, fils de pute. Bah oui, mais ça répond pas à la question, ça, monsieur. Oh, il est nouveau raccroché, il est relou, là. On rappelle. Oui, allô ? Oui. Oui, je m'excuse, mais on a encore été coupé et vous m'avez pas dit alors. D'accord. Ah ok, bah c'est pas grave. Bah non, si, vas-y, donne-moi ton identité, je vais te niquer ta mère, tu vas voir comment elle va jouer ta mère pour moi. Bah moi je m'appelle Tof, monsieur. Ouais, Tof, ça me dirait Tof. Bah je sais pas. C'est pas Tof, dis-moi ton vrai nom, vas-y, donne. Bah Tof, monsieur, avec PH. Ah ok, niquer ta grand-mère, c'est mieux, puis voilà, avec Tof, avec un H. Bah oui, d'accord, monsieur. Ça, ta grand-mère. Mais t'inquiète, on va se trouver. Bah moi je vous donne l'adresse, monsieur, si vous voulez passer à la maison. Ouais, bah vas-y, on va l'adresse par SMS, c'est pas problème. Ah, j'ai pas de portable, maman elle veut pas que j'ai un portable. Ah ok, c'est dommage. Par contre, je donne son cul, elle sait le faire, hein, cette salope, hein, ta mère. Gros fils de... tout en classe. Hein. Oh putain. Tout en classe. On le rappelle, il avait l'air sympathique. En classe et en finesse. Ah bah oui, oui, oui, on le rappelle. Oh putain. Oh non, on me dit pas qu'il décroche plus. Bon, je serais très déçu. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 0. Je suis hyper déçu là, dommage. On garde mon numéro de téléphone. Oui, bon, on va le rappeler à l'occasion, hein. Parce qu'il avait l'air sympa quand même. Ah bah adorable. Ce serait quand même dommage de pas le rappeler. Bon, si vous connaissez les gens dans le même état d'esprit, hein, balancez les numéros, hein, toph@energie.com. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Pour bien se réveiller ce matin, il faudrait, d'après le journal Le Parisien ce matin, boire un grand verre d'eau tiède. Ouais, je sais pas, moi je prends 3-4 cafés, ça marche aussi très bien. Kaigo dans la playlist Energy, nommé au Energy Music Awards, on l'écoute, votez hein, sur energy.fr. Kaigo, Kanashuga est le meilleur du Rico Show, 20h-23h chaque soir sur Energy, et là c'est best of. Le podcast du Rico Show, 20h-23h sur Energy. Finalement, t'as décidé de te mettre avec une personne plus âgée, parce que c'est vrai qu'avec un jeune, c'est dur de se voir sur l'avenir, ça. Pour du long terme, avec forcément en quelqu'un fait, de plus... Problème... Ouais, vas-y. En fait, c'est ça. Le problème, c'est qu'avec un plus jeune, ils vont tout... Ils vont partout et n'importe où, en fait. Ils n'ont pas de fixe, ils veulent tout faire, ils savent tout faire, et ça me saoule. Et tu les entretiens, en plus. Oh, ça y est. Ça, c'est vrai. Non, mais elle a raison. Franchement, c'est vrai. C'est des grands enfants. Ah, c'est tout plein derrière. Limite, on est leur mère. Et après, ouais, mais je suis pas ta mère. Ah, ouais. Mais alors, en fait, tu restes avec eux juste pour le côté câlin, fougue du câlin, c'est tout? Ou Yam, c'est pas plus? Non, c'est parce qu'on a tous une période, je pense, en tant que femme, où on a envie de quelque chose d'autre. Et on a besoin d'être sûr de nous, mais on passe par des petits chemins caillouteux. Et, on revient après. On n'a pas le même chemin caillouteux. Pas boué, j'espère. Non, c'est pas. Il était obligé de la faire. Attends, on va voir si on a retrouvé Jocelyne. T'es là, Jocelyne? Oui, je suis là. Bonjour à toute l'équipe. Ça va, ma Jocelyne? Alors, Jocelyne, toi, t'es comme Céline, ma Jojo. Toi, c'est les jeunes aussi, t'adores. Non, voilà. Moi, j'ai mon premier mari, il a 12 ans de plus que moi. Ouais. C'est vrai, c'est devenu après, quand on a divorcé, mon meilleur ami, hein, jusqu'à sa mort. Et je me suis remariée avec un plus jeune. D'accord. Bon, c'est vrai, qui avait 12 ans de moins que moi. Ouais. Et le problème, quand il avait 28 ans, moi j'en avais 40, ah ouais. il dormait tout le temps quand même. Ah ouais, c'était une marmotte. Mais et du coup, tu t'es éclatée quand même dans la relation ou pas du tout? C'était pas merveilleux, j'avoue. Mais par la suite, j'ai rencontré d'autres hommes plus jeunes que moi. Mais comme je fais très jeune par rapport à mon âge, on ne me donne pas mon âge. Hein. Bah après, Jocelyne, j'ai l'impression que le temps joue en ta faveur. Parce que toi, finalement, si tu aimes les mecs de 40 ans et puis que tu vieillis par définition, eux, ils restent, ils ont toujours 40 ans. Et c'est peut-être ça qui te plaît, c'est peut-être l'homme de 40 ans. Oui, mais l'homme vieillit plus vite que la femme. Ah oui. C'est gentil, ça. La femme est une. La plupart des femmes, elles sont quand même vachement plus résistantes. C'est bien d'avoir tenu compte de l'exception, Sarah. Merci, Jocelyne. La plupart des femmes, t'as raison. Elle s'est rattrapée. Elle a dit putain, mais il y a Sarah. Et moi, je suis une femme hyper active. J'ai deux activités encore maintenant. Je suis VTC. Je travaille pour Nice Matin, le quotidien sur Nice. Ah oui. Je veux dire, j'ai deux activités. D'ailleurs, je passe mon temps à vous écouter. Ça me fait rire. Amour, ma Jocelyne. Et ça fait rire les clients, aussi bien avec Mathieu le matin qu'avec toi, qu'avec Coé. Ça fait rire mes clients. Des fois, ils me disent ah, mais vous écoutez Énergie? Et je réponds ah, pourquoi? C'est le privilège des jeunes. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h sur Énergie. Direction la playa, on danse limbo, bien fire. En cadence et au pas, le soleil brille de mille feux. Mais avec eux, on n'a pas le temps de se laisser bronzer. Appelle-moi l'homme qui vit une vie bien locale, qui donne le smile en période estivale. Je veux un panorama sur la mer et son sable, une belle sirène, nos regards orientaux. Ça m'en fout, ça m'en baba, patati patatata. Ça m'en fout, ça m'en baba, patati patata. Patati patata. Ça m'en fout, ça m'en baba. Patati patata. Ça m'en fout, ça m'en baba. Patati patata. Dans mon gamos, j'esquive les boss. Cool attitude, man, j'pense que j'suis le boss. Une princesse des îles, quand le prince opère. Les deux vues on se perd. Appelle-moi l'homme qui vit une vie bien locale, qui donne le smile en période estivale. J'veux un panorama sur la mer et son sable, une belle sirène, nos regards orientaux. Ça m'en fout, ça m'en baba, patati patatata. Ça m'en fout, ça m'en baba, patati patata. Ça m'en fout, ça m'en baba, patati patatata. Ça m'en fout, ça m'en baba, patati patata. Qui fait les bons bails, viens avec ma clique, mais si vous voulez. Nous qui voyager, nous qui voyager. Suive-moi, suive-moi, suive-moi, mais suive-moi. Ça m'en fout, ça m'en baba, patati patata. Ça m'en fout, ça m'en baba, patati patata. Energy. I know I've given up. Uh-huh.

Vous êtes sur Énergie, salut tout le monde. Bon réveil, j'espère que toi bien, une belle journée. Bon, normalement ça va le faire là, avec vous, hit préféré déjà pour attaquer la journée. David Guetta, Maroon 5, DJ Snake qui arrive aussi, ouais, taki taki. Bon, on se fait ça là tous ensemble sur Énergie dans la playlist Énergie. On se fait aussi le meilleur de Mickaël. 23h tous les soirs en direct pour vous sur Énergie. Et là ça s'est passé cette semaine. D'abord on va se faire un nouveau doux, tiens. Marwan est avec nous de Pont-à-Mousson dans le 54. Salut Marwan. Salut. Comment ça va? Ça va très bien Marwan. Alors, t'as une voix bizarre, t'as la voix cassée. Soit c'est parce que t'es en train de muer, soit t'as trop crié. Je crois. Marwan. Oui. Réveille-toi là. Non, ça va, ça, c'est encore assez aigu là. Bon Marwan, tu veux devenir un nouveau doux? Un doux officiel? Un doux official. Official doux. Genre, the official doux. Vous savez qu'il y a les auditeurs qui vont nous demander de faire la guerre des doux. Un film, un vrai film. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Ouais. Ça va être compliqué. Faire, hein. Oui, bah oui, techniquement, c'est possible. Ah, bah voilà, rassuré. Bon, est-ce qu'on peut demander à Kylie Cuoco également de venir jouer dans le film? Non, elle se marie en ce moment. Elle ah, merde. Pas ouais. Elle se marie? Ouais. Ah, dommage. Putain. Bon, enfin, c'est pas grave, ça me change pas. Hein. Je comptais pas me marier avec elle. Hein. Tant qu'elle continue à être bonne, ça me va. Bon, je disais. Bah, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah rien, non, c'est ton élégance et, mais quoi, et bah le est... verbe que j'admire. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est coincée du huc. Bon Marwan, tu veux devenir un doux officiel? Pour être doux officiel, il faut avoir moins de 14 ans, ne pas encore avoir muet, c'est le cas donc. Marwan, je te passe Polo qui va te poser quelques petites questions, quelques petites épreuves. Si tu les réussis, tu deviendras un doux officiel. Ok, bah pas de problème. C'est parti, ouh, pas de problème, il s'emballe. Allô, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Marwan. Marwan, tu as décidé en ton âme et conscience de devenir doux officiel? Yes. Yes? Yes. Marwan? Oui. Quel âge as-tu? 12 ans. Bon, je vais faire quelques tests. Marwan, mets-toi à genoux. C'est bon. Tu as ton téléphone dans la main droite? Yes. Tape-toi sur la tête avec, doucement. Stop. C'est un peu métallique comme tête. Oui. Bon. Marwan? Oui. Insulte-toi. Je suis un gros fils de pute. Non, ça va pas ou quoi? Non, c'est insulte pas de ta mère. des vrais, des insultes correctes, pas des trucs comme ça. Ah, mais vous m'insultez alors. Non, mais oui, mais y a une hiérarchie dans l'insulte, Marwan. Attends, comment? C'est bon? T'es où? Bon, Marwan, comme tu es parti dans l'excès, on va arrêter là. On va calmer. Okay. Marwan, bravo, tu es doux officiel, félicitations! Ouais, merci. Eh ben, bravo. Merci. Tu seras le doux Bouboule. Le quoi? Le doux Bouboule. Bouboule? Non, Bouboule. Oui. C'est, pourquoi tu fais doux? Ça va pas. C'est nul. C'est enfin, c'est toi qui choisis, mais pourquoi j'adore pas. J'adore les poules. Il adore les poules. T'as des poules, Marwan? Tu seras le doux chicken alors. Le doux KFC. Parfait, le doux KFC. Le doux KFC, pourquoi pas, ouais. D'accord, ça le doux KFC. Eh ben voilà, le doux KFC. Très bien. Eh ben voilà Marwan, bienvenue à toi dans la communauté. Que ce soit noté dans le grimoire, Christophe, le rien foutre. Mais évidemment, mon voilà. Voilà, et Amina aussi, tiens, au lieu de me balancer des messages injurieux envers la Belgique par message. Pas du tout. Ouais, c'est noté. Si je devais lire ce que t'écris, hein. Et toi alors? Oh là là là là là là. Oui, oui Marwan. C'est une question à poser à Toff. Dis-moi. Enfin, dis-lui. Pourquoi quand tu fais des appels malveillants, il les insulte pas? Ça fait épicé, tu vois. Mais c'est justement, c'est le principe. Si les insultes, ça n'a aucun intérêt. Là, ce qui énerve les gens, c'est que Toff reste calme. Ah, essaye en vrai, hein, quand quelqu'un t'embrouille, tu restes calme, ça va énerver encore plus. Ah oui, ah, ça c'est vrai. Ah, mais je te confirme. Bon, le doux KFC, tu te la ramènes un petit peu là. C'est pas parce que t'as un grade maintenant que tu peux commencer à te remettre en question. Hein. Allez hop, au lit. Ok. Salut le doux KFC. Et tu restes au standard, on va prendre tes coordonnées pour les cadeaux. Je rappelle qu'en étant doux, vous avez des cadeaux, vous avez un accès prioritaire au standard, tout ça. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Your love, and I ain't been strong enough to

Salut. Ça va, t'es en forme, Léa, elle a 37 ans. Alors on va démarrer avec toi, Léa, je vais te poser des questions et je poserai les mêmes avec Nadia, d'accord? Vas-y, je suis prête. Est-ce que tu peux me raconter un détail du corps de Sylvain? Un détail... Alors, bon, outre qu'il est bien monté, il a toutes ses petites fesses un peu de bon sportif. Il a un creux en haut de chaque fesse. D'accord, des creux sur le fessier. Alors ça, t'aurais pu le voir quand même sur les dieux du stade. Oui, ouais, c'est vrai. Mais il faut le sentir, il faut le toucher. Quoi, Et comment sont les creux de Sylvain? Comme il faut, musclé, pour l'instant. Musclé. Très bien. Est-ce que tu peux nous raconter un dossier coquin avec Sylvain? Un dossier coquin, c'est-à-dire? Ouais, ce qui s'est passé. Tiens, votre rencontre un petit peu, comment ça s'est fait? Je peux vraiment le dire à la radio? Ouais, vas-y. Dans un club? Oh là là, en club libertin. Ça m'étonne pas. Dans la club de rencontre, quoi. Ouais, la classique, quoi. Ouais, bah attends, un club, ça peut être une boîte, un club libertin. D'accord. Est-ce qu'il a été romantique? Pas Tinder ou Mythique, non. Ah ouais, est-ce qu'il était romantique? Oui. C'est-à-dire, de toute façon, le creux de ses fesses est un romantisme en soi. Hein. Oh là, t'es encore dans le creux. Tu parles avec ses fesses ou quoi? Elle a la tête dans le cul. Non, d'accord, ok. Tiens, de 1 à 10, Sylvain, tu lui mets combien? Alors, je ne mettrais pas 10, Sylvain, parce que il a un côté un peu trop brut, quand même. Ouais, il est brut. Ah bon? Ah, il est pas doux. Ah, je suis brut de pomme. Hein. Combien tu lui mets de 1 à 10? 8-9. 8-9, ah quand 9 même. 9 quand il m'appelle. Et sinon... 9 quand il t'appelle, ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu retiens de ses relations avec lui? C'est sympa? C'est au-dessus de ce que tu as connu en règle générale ou pas? Après, j'aime pas trop dire de compliments, tu vois, il faut se renouveler tout le temps, mais. J'aime bien qu'il me rappelle. Ok, on va poser les mêmes questions à Nadia. Nadia! Est-ce que tu peux me raconter un détail de l'anatomie de Sylvain? Alors, elle est assez traviole. De quoi? Qu'est-ce qu'elle est assez traviole? Sa main? Son anatomie. Ah d'accord, il a le sexe de traviole. À droite ou à gauche? C'est ce qui s'appelle la flûte traversière. Putain, d'accord, ok Nadia. Donc ok, alors toi c'est pas le creux des fesses, mais c'est qu'elle est de traviole. Okay. D'accord, donc elle est mal équilibrée, peut-être un peu trop lourde d'un côté. Qu'est-ce qui se passe, Nadia? Et un peu plus vers la droite que vers la gauche. Ah ouais, d'accord. Il penche à droite. Il n'a pas trop d'équilibre. Pourtant, je suis gaucher. Hein. Ah oui, non, tu l'as peut-être massacré l'histoire. D'accord. Où est-ce que vous êtes rencontrés, Nadia? Rencontrés? Ouais. C'est assez. Oula. Oula. Ouais, en fait, on s'est rencontrés par des amis. D'accord. Ouais. À une soirée privée. Ah ouais. Ah. À des soirées privées encore. Ouais. Voilà. Bon, bah, décidément, soirée privée de quel type? Vous faisiez un bal masqué, quelque chose? On était déguisés. Ah ouais. Mais c'était pas le carnaval. Ouais. Déguisé sans culotte? Voilà. Ah, ça compte pas. D'accord, très bien. Une note de 1 à 10 sur Sylvain et ses performances? Je veux dire 9. Ah 9, ah d'accord, on est dans le 9. Hein. Ah ouais. Dis-moi, t'as couché avec les deux? Ah ben, je peux pas dire. Hein. D'accord, quels sont les points d'amélioration de Sylvain? Peut-être moins bruyant. Ah ouais, ah oui, ah c'est un ours. Voilà. Ah ouais, mais moi, je rugis. Homme de Cro-Magnon. Ah ouais, ça... D'accord. Alors, on a Léa qui nous a dit qu'il était un peu brut de pomme. Et toi, c'est bruyant, quoi. Est-ce que tu peux nous mimer un petit peu ces genres de bruits que Sylvain peut nous faire? Bah, quand ça se termine, c'est assez... tu vois, le lion qui rugit. Ah ouais, voilà. Ah ouais, le lion au début des films, là. D'accord. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Un besito, un naki, un

Énergie, vous voulez une bonne nouvelle ce matin? Bon, bah c'est vendredi. Voilà, c'est cool. Retour de week-end ce soir tranquille. En attendant, c'est Jérémy Frérot dans la playlist Énergie. Et vous le retrouverez tout à l'heure pour attaquer le week-end, justement, dès 17h sur Énergie. Voici le meilleur de Koé. 17h-20h. C'est Koé sur Énergie. Allô? Oui. Claudine? Oui. Bonjour Claudine. Devine qui c'est? Oh, pas du tout. Hein? Pas du tout. Mais devine qui c'est, pas du tout, ça, c'est pas une réponse. Devine qui c'est? Je ne sais pas. Tu sais pas qui c'est? Non. La famille? Hein? Quoi, en? Hein? Qui c'est qui peut appeler pour dire bonjour? Oui. D'accord. On va changer, hein. On va madame. C'est mal parti, ouais. Ça va être là, parce que là, non, non, des fois, il vaut mieux changer. Ouais, ouais, ah, oui. Pas là. On voilà, le sent pas, là. Non, là, je. Pas là. J'étais trop loin dans l'âge. Vous m'appelez quelqu'un qui s'appelle Odile, c'est pas vieux, Odile, hein? Oh. Bah non, Odile, non, c'est pas vieux. Allô? Allô? Ah si. C'est Odile? Oui, c'est qui là? Bonjour Odile, devine qui c'est? Non, je sais pas qui c'est. Qui appelle pour dire bonjour? Bah, je vois pas qui. Ah, je me suis dit, tiens, je vais l'appeler, ça fait longtemps. Devine. Bah, je sais pas. Ah, je me suis dit, elle va pas me reconnaître. C'est la famille. Ah bon? C'est la famille. C'est la famille? Oui. Famille. Oui. Ben, je vois pas. Ce qui ça peut être? Avec l'accent, je sais pas, il y a un petit accent. Je... Non. Non. Non, non. Devine qui c'est? Ben, attends, j'essaie de réfléchir. Vas-y, hein, je te laisse chercher, hein, moi j'ai le temps. La famille. Ah ouais? Je sais pas quelle famille. Du côté de mon père ou du côté de ma mère? Oui. Du côté de mon père? Oui. Ah, c'est du côté de mon père, alors là... Oui. J'aurais dû dire de l'autre côté. Oui. Ben, je sais pas. C'est une blague, c'est du côté de ta mère. Du côté de ma mère? Oui. Ah, du côté de ma mère... Du côté de ma mère, ah non, je vois pas. Ah bah, enfin, s'il n'y a plus personne de chaque côté, faut le dire dès le début, hein. Mon père est décédé, ma mère aussi, hein. D'accord, oui, mais ça n'empêche qu'il reste de la famille. Bah oui. Eh bah, alors, qui ça peut être du côté de ta mère? Du bah, côté de ma mère. Dis un prénom. Du côté de ma mère, c'est-à-dire, c'est... un cousin de ma mère. Oui. Un cousin de ma mère. Bah alors, je sais pas, c'est Jean peut-être? Non. Non. Mais si, c'est Jean. Ça va? Non, ouais. T'as été longue à me reconnaître, hein. Bah oui, bah. Et franchement, au téléphone, moi je t'ai jamais au téléphone. Hein. Bah oui, bah moi non plus. Bon, c'est pour ça que je reconnais pas. Bah comment ça va? Pas trop bien. Ah bah oui, pas tiens. Trop bien, non. Ah bon, pourquoi? Bah c'est des soucis avec les enfants. Ah, ça change. Ah oui, oh, ça les enfants, ils donnent du souci, hein. Bah ouais, ouais. Oh, ils donnent du souci, un souci. Moi je les ai mis sur le bon coin. Hop, c'est plus simple. Plus de soucis. Ça va toi sinon? Bah oui, je travaille toujours, hein. Bon. Pourquoi tu m'appelles alors? C'est pour prendre de mes nouvelles? Oui, oui. Comme ça? Oui, comme ça. Ah voilà, puis surtout, c'est pas Jean. C'est pas Jean, mais c'est qui alors? Oh, cette histoire. Bah moi, devine qui c'est. Non, ça va prendre deux heures. moi, c'est Koé et on est sur Énergie. Hein? Elle est bien, elle se marre tout le temps. Oui, elle est marrante. Quoi qu'il se passe, elle rigole. Elle rigole. Elle rigole. Et bah gros bisous Odile. Bisous. À bientôt. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait. Ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer. Mais pousser les nuages, nous devons y pas. C'est penser à lever. Sur cette lune, les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent.

who's taking you home, home, home, home. I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. From this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah. I see, but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. Sur Énergie, 5h55, on est vendredi. Allez. Ah ouais. Et vendredi, ça veut dire quoi? Oh. Ah, vendredi, ça veut dire que c'est le week-end. Ah, mais oui. Alors. Ah bah oui, c'est bon ça. Ah. À lundi. À lundi, allez. On démarre l'émission dans 5 minutes, mais avant ça, c'est le club du 555, les amis. On est vendredi, on est bien, on est détendu, on est relax. Yes. Sauf que... Vous êtes au courant pour Selena Gomez? Ah ouais. Ah pauvre. Oui. Ah. J'ai dû louper l'info. Désolée, oh je suis pas au courant. Non, Isabelle. Bah, je suis honnête, j'ai rien vu passer. Ouais. Quand il y a une info sur Selena Gomez, ouais. Il faut que tout le monde soit au courant. Ah, ah oui. Bon. Oui. Ah, c'est, bah, c'est dans la loi. De... Oh putain, t'as pas lu la loi du studio? Non, bah ouais. Non, c'est alors, laquelle? Bah, attends, je regarde. Je crois que j'ai pas lu jusqu'au bout toutes les lois de loi 724. Ah, lorsqu'il y a une information sur Selena Gomez, toute personne qui rentre dans le studio pendant l'émission Manu dans le site-up doit être au courant de l'info. Ouais, c'est la chouchoute de Manu, donc à un moment donné, il faut juste que je t'intéresse un minimum à l'émission, Isabelle. Ah ouais. Et elle a été hospitalisée, la peau. Eh oui, non seulement c'est ma chouchoute, mais je suis son joujou. Aïe, oui. Aïe. Bon, là, ça y est, je pars en sucette. Mais... Non mais c'est ah non mais pour le coup c'est vraiment ma chouchoute. Ouais. Elle t'a donné des nouvelles du coup? Alors elle a pas pu m'appeler parce qu'ils lui ont pris son portable je pense. Ouais, ouais. Bien sûr évidemment. Enfin, ils l'ont pris depuis quelle année hein, j'ai l'impression. Ouais, je pense, elle voulait pas t'affoler je pense. Ouais, alors oui ça doit être ça. Ouais, ouais. Vivons dans le déni. Alors non, ce qui s'est passé c'est que Selena Gomez a été hospitalisée dans un hôpital psy. Ouais. Ah bon ? Apparemment, elle a eu un choc émotionnel, elle est pas bien et donc elle a été internée. Ouais. Peut-être qu'elle fait un burn-out, elle travaille trop. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, si elle a besoin de moi, je suis là. Si elle a besoin de quoi que ce soit, je suis là. Ouais. Si elle me connaît pas, je suis là. Ouais. Voilà. Et je me dis que là, il faut qu'on s'écoute un Selena Gomez. Ah ouais. Oui, bien sûr. Mon Selena Gomez. Okay. Mon titre préféré de Selena Gomez, qui n'est pas celui qui a le plus marché en France, ouais. mais qui a fait quand même des centaines de millions de vues sur YouTube. Okay. Je l'adore. Ah, trop bien. Ça s'appelle Kill Them With Kindness. Tu l'es avec de la gentillesse. Pop, pop, pop, pop, pop. Wow. Ouais, le pistolet à love. Oh, non. Selena Gomez sur Energy, 5h57. Bon réveil, bienvenue. The world can be a nasty place. You know it, I know it, yeah. We don't have to fall. Kindness, kill 'em with kindness. no war and anger was ever won.